Borina. Yo. Enfant terrible bas Congo. Ni à payer moi enfant noir. Sixième d'une famille moyenne. Papillon renoir totem de mon père retraité. Cet homme pris par les âges, implacable responsable. Quels que soient les temps, quelles que soient les saisons, jamais les lois de la nature lui ont fait baisser les bras. Sur notre table à manger, il n'y avait pas assez de mets. Mais les portes de la maison étaient ouvertes aux plus démunis. Quand il y a à manger pour un, il y a à manger pour deux. Quand il y a à manger pour trois, il y a à manger pour quatre. C'est comme ça que ça se passe en Afrique. Est-ce que tu me suis? On avait un poste téléviseur en noir et blanc. Au salon, on s'asseyait pour regarder Tom Sawyer. Capitaine Flamme, on coupa le petit ourson. Mur sans peinture, parcelle sans clôture. Père, on était fier, mère de père était fier. Père de nous était fier, père on était fier. Père était des nègres fiers. Pour les bandes au caca son haut. Dans les moments les plus pénibles, on chantait ce refrain. Yo, ce refrain. J'habille mes vieux souliers, mon vieux sac en cuir. Accroché à l'épaule avec vivre dans la poche pour bouffer à la récré. J'avais pas de vidéo donc jouer on zango, les bateaux, tabadi, tabadjo. Qui dit, eh, la colonne, n'a pas le soir en zengo, allo, oyoka. Nullement complexé par les enfants, ni Kenyo qui venait tout le temps à l'école, bien sapé au merco. Vacances en France, vacances aux USA, vacances toujours accès vers ce pays privilégié. Moi en sans là j'allais à Mamou. Content de retrouver ce vieux même à le chou. Quand on doit retrouver grand-mère Tchikou. De nager dans la moquette, de fouler l'herbe de l'ambé. Trois mois de paix, trois mois de repos. Marchons dans la forêt, chantons mon refrain. Et encore, une autre journée qui commence. Les causes s'y répètent, c'est vrai. Que devait faire par un arrêt. Mais yo, les causes m'y sentissent. Quelles que soient les étroitesses de ton ruisseau, marche vaillamment de l'avant, t'atteindras un jour le marigot. Viendra la rivière, mène ta barre toi-même, tu verras la mer. Ne baisse pas les bras, l'océan ne sera plus loin. Jusqu'à ce jour, j'ai jamais fêté mon anniversaire. Mon dernier jouet, je m'en rappelle avoir eu à 10 ans. Et c'était un pistolet, ça veut pas dire tout mon père. Voulait faire braqueur, au contraire, il nous voyait tous en docteur. J'ai peiné, galéré, supporté, surmonté tous les dangers. Comme cette putain de société, vous l'aimez. Yewa Boutoumé, Banansai, Banakiminou, Memambemba, Moni Panambongo. Et encore, une autre journée qui commence. Les causes s'y répètent.